sans soulagement. Touche-moi là, oui, touche-moi là, oui, j'aime bien. Touche-moi là, oui, touche-moi là, oui, que c'est bon. Là où tu touches, ça me fait du bien. Touche-moi là, oui, j'aime bien. Là où tu touches, c'est là qui me calme. Touche-moi là, ça me soulage bien. Touche-moi, touche-moi, touche-moi là. Touche-moi là, oui, j'aime bien. Touche-moi, touche-moi, touche-moi là. Touche-moi là, ça me soulage bien. Thank you. du bien. Touche-moi là, oh que c'est bon. Touche-moi là, oui, ça me fait du bien. Non pas comme ça, comme ceci, comme cela, oh que c'est bon. Non pas ici, oui, là, comme cela, oh que c'est bon. Pas si fort, doucement, avec tendresse, formidable. Non pas comme ça, allez-y, doucement, c'est terrible. Touche-moi là, touche-moi là, touche-moi là, ça me soulage bien. Et oui, ma double tête est chère.